Horizon classe 8, cahier d'exercice. Je m'entraîne 1. Cahier page 26. Question 1. 1. Qu'est-ce que tu as acheté, Dania? Un bouquet de fleurs pour l'anniversaire de ma sœur. 2. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, mes chers élèves? Nous allons à la librairie acheter des livres et du matériel pour préparer le projet. 3. Imad, pourquoi tu es pressé? Mon frère est malade. Je vais à la pharmacie pour lui acheter des médicaments. 4. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi, Bouchra? Il faut aller acheter des raquettes du magasin de sport pour s'entraîner. N'oublie pas que nous avons un match de tennis la semaine prochaine. 5. Tu vas où, Amer? Je vais chez le boulanger pour acheter du pain pour le petit déjeuner.